Se monte. On se dispute, ils commentent. C'est des malades. Main dans la main, langue dans ta bouche. Laisse les coups masser que des jalouses. Ils veulent qu'on se crache comme Alia. J'te donne les belles vues, la weed, les tenues. J'nous prends du champ, t'écartes les jambes. Ton ex est prévenu. J'te donne les belles vues, la weed, les tenues. J'nous prends du champ, t'écartes les jambes. Ton ex est prévenu. Bébé, dis-leur que c'est nous. Sois ma sérénité. J'veux être celui qui t'accompagne en amour pour la vie, pour toujours. C'est prévenu, j'te donne les belles vues, la weed, les tenues. J'nous prends du champ, t'écartes les jambes. Ton ex est prévenu. Bébé, dis-leur que c'est nous. Sois ma sérénité. J'veux être celui qui t'accompagne en amour pour la vie, pour toujours. Jaloux sont morts dans le film. Prada Versace, Gucci, Fendi, Alexander Wang, Gucci, Fendi. De quoi t'as envie? Les jaloux sont morts dans le film. Après 2-3 heures, on croise en rue. Après 2-3 heures, ils nous ont vu. Après 2-3 heures, on croise en rue. Après 2-3 heures, ils nous ont vu. Après 2-3 heures, on cause en vue. Après 2-3 heures, ils nous ont vu.